Découvrez le récit inoubliable et nécessaire de Vanessa Springora. Avec Audiolib, écoutez le consentement. Je sens à tout instant le regard de G, assis à l'autre bout de la pièce, me caresser la joue. Lu avec tact par Guy Laclara-Kessous. Un livre audio disponible en librairie et en téléchargement sur audiolib.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est la vie d'une famille pauvre dans un petit village du Bengale en 1910. Le père, aspirant auteur littéraire, peine à gagner suffisamment d'argent pour nourrir les siens, sa vieille sœur, sa femme, leur petite-fille Durga et son petit frère Apu. Pater Panchali, La complainte du sentier en français, fut le premier film de Satyajit Ray. Tourné sans l'appui de producteurs, par un cinéaste débutant ayant investi en partie son propre argent, avec des acteurs amateurs ou très peu connus, ce fut un succès inattendu, à la fois en Inde et internationalement, après sa présentation au Festival de Cannes en 1956. Inspiré de deux romans à succès, il fut suivi par deux autres films qui racontaient la vie du jeune Apu devenu adolescent puis adulte, Aparajito, l'invaincu, sorti en 1956, et Le monde d'Apu, en 1959. Le 17 juillet 1983, à l'occasion de la ressortie des trois films en salle, Claude Jean-Philippe et Pierre Donadieu parlaient de la trilogie d'Apu dans le cinéma des cinéastes. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Alors Pierre Donadieu, l'actualité cinématographique de toute évidence pour nous cet été, et donc je suppose pour ceux qui nous entendent, eh bien, c'est le retour sur les écrans de, sur les grands écrans, de la trilogie de Satyajit Ray, c'est-à-dire des trois films dans l'ordre, Pater Panchali, Aparajito et Le Monde d'Apu. Ils sont passés cet hiver au Ciné-Club d'Antenne 2, les voici cet été sur les écrans parisiens, et l'expérience du salon de musique prouve que, en réalité, une diffusion à la télévision dans ce cas précis est une sorte, en réalité, de promotion pour des films qui ne sont pas forcément connus, même des spectateurs, même des jeunes spectateurs, en tout cas, des cinémas d'art et d'essai. Oui, si j'en juge par mon cas personnel, moi, pour moi, le passage à la télévision est plutôt un appel à aller revoir le film en salle. C'est-à-dire qu'il y a quand même une magie qui se passe dans la salle qu'on a forcément envie de retrouver quand on est devant l'écran de télévision, je trouve. Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, l'important, c'est que les films ne disparaissent pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé de nouveau avec la télévision, et d'autant plus avec les cassettes, et d'autant plus avec le développement du cinéma d'art et d'essai, et bien sûr de la cinémathèque française, c'est que les films disparaissent de moins en moins. Dire que notre culture cinématographique avait été très très très longtemps, pendant de très nombreuses années, faite de résurgence et soudain de trous noirs, d'ombre dans lequel disparaissaient des films qu'on n'avait plus l'occasion matérielle donc de revoir. Alors voici à nouveau les films de la trilogie, ce qui nous invite non pas à rediffuser ce qu'on pourrait faire, l'émission que nous avions faite ensemble avec Sethia Gyttré cet hiver, ou ce printemps plutôt, mais partir de ce que nous savons maintenant, c'est-à-dire les films bien entendu sur l'écran, mais aussi le livre de Sethia Gyttré écrit sur le cinéma, publié aux éditions Jean-Claude Lattès, que, alors là vraiment, qui est pour ceux qui s'intéressent au cinéma de Ray, est un ouvrage vraiment indispensable et de la main même de l'auteur de la trilogie, du réalisateur-auteur de la trilogie. Alors, je crois que l'objet de l'émission d'aujourd'hui, tout simplement, Pierre Donadieu, c'est de raconter le tournage, qui est une sorte d'aventure en lui-même, de cette trilogie d'appui. Il y a une chose qu'il faut rappeler tout de suite, je pense, c'est qu'on a peut-être tendance à oublier quand on voit Pater Panchali, La Complète du Sentier, qui est un film totalement abouti, qui tient une place considérable dans l'histoire du cinéma, c'est que c'était la première réalisation de Sethia Gyttré, qui n'avait jamais rien réalisé auparavant. C'est-à-dire que c'est un premier long-métrage. C'est complètement stupéfiant de voir un premier long-métrage qui a cette ampleur, ce lyrisme, qui s'est touché aussi profondément dans nos sensibilités et dans nos sensibilités d'occidentaux, aussi bien que d'orientaux, puisque le film a eu un succès considérable quand il est sorti en Inde en 1955. Oui, alors, il faut dire, enfin, il y a une sorte de miracle qui est celui du talent et que je me garderai bien d'expliquer, mais en tout cas, nous savons que Ray, pour l'avoir rencontré, c'est une sorte de l'or indien tout à fait stupéfiant. Oui. Il est beau, il a une voix que nous écouterons, que nous réécouterons tout à l'heure, puisque nous allons repasser des extraits de notre entretien avec lui. Il y a chez cet homme une autorité personnelle totalement évidente et des talents extrêmement divers. On ne peut pas être plus cultivé que lui, et dans probablement aussi bien d'une culture occidentale que d'une culture bengalie. Il est dessinateur, il compose lui-même certaines musiques de ses films, en l'occurrence pour la trilogie c'est Ravi Shankar. Depuis que Ravi Shankar a cessé de composer de la musique pour ses films, c'est-à-dire vers le début des années 60, c'est lui qui compose la musique de tous ses films. Bon, alors pour ce qui est de la culture cinématographique, puisque d'une certaine façon, Sethia Gyttré fait partie de ceux qui ont de la génération de ceux qui ont appris le cinéma au cinéma, c'est-à-dire en allant voir des films. Pendant la guerre en Inde, il n'a l'occasion que de voir pratiquement que des films anglo-saxons, en tout cas américains. Et c'est là que on ne peut pas rêver de meilleure formation, après tout, que celle de John Ford, de Capra, etc. Et quand Jean Renoir vient aux Indes en 49, je crois, et qu'il rencontre Sethia Gyttré, il est d'abord tout étonné de voir ce jeune Bengali connaître l'œuvre picturale de son père Auguste à la perfection, mais de ne connaître de sa propre œuvre cinématographique à lui, Jean Renoir, que les films américains. Puisqu'après tout, Sethia Gyttré a connu Renoir à travers probablement La Femme sur la plage, L'Homme du Sud, des films comme... L'Homme du Sud, ça a dû le marquer, je pense, assez précisément, puisqu'il y a un côté Homme du Sud à travers le personnage de la vieille, en tout cas de Pater Panchali. Sethia Gyttré a un rêve à ce moment-là qui est de contredire le cinéma indien, mais qui n'est pas un rêve polémique, qui est un rêve parce qu'il rêve déjà de Pater Panchali, et il a envie de faire un film en extérieur réel avec des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs vedettes du cinéma indien, et qu'on puisse tourner en plein vent, en pleine campagne, sous la pluie. Enfin, vraiment, c'est son rêve. Il passe pour un fou aux yeux des autres cinéastes bengalis. Enfin, lui-même n'a pas encore réalisé de film, mais il passe pour un fou aux yeux de ceux à qui il propose un tel projet. C'est seulement en allant en Angleterre voir des films, il a été envoyé, d'ailleurs pas du tout par, il est allé pour son agence de publicité, il travaillait pour la succursale de cette agence en Inde, il va dans la maison mère à Londres, et ce qui lui permet à Londres de voir une quantité de films, dont Le Voleur de bicyclette, qu'il apprécie surtout, je suppose, parce que Le Voleur de bicyclette vérifie son désir, c'est-à-dire que Le Voleur de bicyclette a tourné réellement en pleine rue, en plein vent, sous le soleil, avec des acteurs non professionnels. Et c'est fort de l'existence du Voleur de bicyclette qu'il revient en Inde et qu'il réalise Patin Pacelli. Alors, là, il se passe quelque chose tout de même. Tu as dit, Pierre, que il y a une sorte de miracle. Et peut-être le miracle n'aurait-il pas été aussi grand si il avait pu réaliser Patin Pacelli tout de suite, et d'évidence, et sans problème. Le tournage a duré 2 ans, avec des interruptions énormes pour chercher de l'argent. Et alors, là-dessus, nous disposons d'un texte. Alors, pardonnez-moi, je vais lire, mais je crois que le texte, vous allez le voir, est suffisamment intéressant pour qu'il soit lu, au moins par larges extraits. C'est un texte qui s'intitule « La route est longue et étroite ». C'est un texte tiré des écrits sur le cinéma de Satyajit Ray aux éditions Jean-Claude Lattès. Et voilà ce qu'écrit Satyajit Ray. Je me rappelle parfaitement le jour du premier tour de manivelle de Pater Pancelli. C'était la saison des fêtes en octobre, et le dernier des grands pujas, qui est une cérémonie rituelle, avait lieu ce jour-là. Notre lieu de tournage se trouvait à 150 km environ de Calcutta. La route nationale numéro 1 de l'Inde, le long de laquelle notre taxi nous amenait à toute allure, traversant plusieurs villes et villages de banlieue, nous pouvions entendre les tambours et même avoir de rapides aperçus de la fête. Quelqu'un dit que cela nous porterait bonheur. Je n'en étais rien moins que sûr, mais je préférais le croire. Tous ceux qui ont fait ou essayé de faire des films savent que pour réussir, ils ont besoin de chance, tout autant que du reste, talent, argent, persévérance, etc. Et nous en avions besoin juste un peu plus que les autres. On va voir pourquoi. Je savais que cette première journée ne serait pour nous qu'une sorte de répétition, de galop d'essai. En vérité, nous partions presque tous de zéro. Notre équipe comprenait 8 personnes, dont une seule, Bansi, notre directeur artistique, avait déjà travaillé dans le cinéma à titre professionnel. Tu te rends compte, Pierre, c'est extraordinaire. Un seul professionnel pour faire. Vu d'ici, c'est presque inimaginable. C'est presque inimaginable, oui. Nous avions un opérateur nouveau du nom de Subroto et une vieille caméra, la seule que l'on ait pu louer ce jour-là et dont l'unique mérite paraissait être de posséder un dispositif permettant de bonnes vues panoramiques. La scène que nous tournions était muette, de sorte que nous n'avions pas eu besoin d'apporter de matériel d'enregistrement. Il s'agissait d'un épisode du film où les 2 enfants de l'histoire, le frère et la sœur, se perdent dans la campagne, loin de leur village, et tombent sur un champ de fleurs de cache. Ils se sont disputés, et ici, dans ce décor enchanteur, se réconcilient, puis, merveilleuse surprise, au terme de leur longue marche, voient passer un train pour la première fois. Je vais choisir de commencer par cette scène qui, sur le papier, paraissait à la fois simple et touchante. C'était important pour moi, car notre principal objectif, en démarrant la production avec seulement 8 000 roupies en poche, était de tourner rapidement assez de pellicules pour que notre travail pût inspirer confiance. C'est ce que nous n'avions pas encore réussi à faire, et c'est cela qui, jusqu'alors, nous avait empêchés de trouver un commanditaire. Alors, il se trouve que cette séquence dont parle Satyajit Ray, eh bien, c'est une des questions que nous lui avons posées, toi et moi, Pierre, et nous allons passer donc un premier extrait de cet entretien que nous avons eu avec Satyajit Ray, voilà quelques semaines, pour le cinéma des cinéastes. Alors, il y a un moment très étonnant dans le film, surtout pour un premier film, où on voit les enfants dans un sous-bois, et aussitôt après, on les voit dans un espace extrêmement vaste, dans un champ extrêmement vaste. Il y a un sous-bois extrêmement étroit, et soudain, avec la musique, une amplification de la musique, et soudain, on découvre l'espace. Moi, je voudrais savoir si il se souvient certainement de ce moment, si ce moment était prévu au moment où il l'a tourné, ou bien est-ce que c'est une idée qui est venue au montage ? Oh yes, it was planned because I wanted to show them leaving their environment and going out into the open country because the train lines were quite far away, and in order to suggest that I needed at least one vast, big, long shot with them running away. C'était prévu, et parce qu'il s'agissait évidemment de suggérer cette idée de l'ouverture après la fermeture, c'est très clair, et l'idée du train qui est le symbole d'ouverture. Et the question also was what comes when you are editing the films? Do ideas come when you edit? Yes, more and more. Yes, many ideas come. Les idées viennent de plus en plus au montage. But in Bhadra Panchali, because it took 2.5 years, I was most of the time thinking about it, even in the middle of my other work. Small ideas I would jot down. Et dans Bhadra Panchali, comme ça a duré 2 ans, j'ai tout le temps pensé au film et je n'arrêtais pas de noter des idées. Donc des idées sont venues au montage, mais dans l'ensemble, c'était tout prévu et écrit. No, I will give one example. Un exemple. Which was not in the script. Qui n'était pas dans le script. The scene where the insects dance on the water surface. La scène où les insectes dansent sur la surface de l'eau. Now, those shots were taken on days when the weather had turned bad and we had no shooting to do possible. Il faisait mauvais ce jour-là et on pouvait pas tourner. There was a pond next to the house where we were shooting. Il y avait une mare à côté de la maison où on tournait. Suddenly one day I noticed the behavior of these insects. Et j'ai remarqué ces insectes. And I took some shots. Et j'ai filmé des plans comme ça. Not knowing whether I'll be using them or not. Ne sachant pas si je les utiliserai ou pas. But in the end, I found a place for them. Mais à la fin, j'ai trouvé une place pour eux au moment où je montais. Bon, alors justement, ça m'amène à la question importante. Je voudrais savoir quelle était la place réelle de la pluie et du moment où Durga se s'offre littéralement à l'eau. Quelle était la place réelle dans le roman de cet épisode? In the novel, she is fond of the rain and she gets drenched in the showers, but it is not followed by pneumonia and death. Dans le roman, elle aime la pluie et elle aime recevoir des averses, mais ce n'est pas suivi par la pneumonie et par la mort. In the film, I made it the cause of the tragedy. Dans le film, j'en ai fait la cause de la tragédie. Because the story lacked this kind of a progression. Parce que l'histoire originale manquait de cette sorte de progression. This was not the cause-effect progression, but give it a strength of structure. C'était pour resserrer, pour renforcer la structure dramatique. I made it because the old woman also dies because of Durga's mother's cruelty, in a way. Je l'ai fait aussi parce que la vieille femme meurt aussi à cause de la cruauté de la mère de Durga. Although the cruelty is there in the book and the death is there, but they are not interlinked. La cruauté et la mort sont là dans le livre, mais ils ne sont pas reliés. Moi, je les ai reliés. But in the film. Everything is interlinked. Dans le film, tout est relié, tout est noué. Et même, on peut même dire d'un film à l'autre, puisque la façon dont Durga s'offre à la pluie, donc à la mort, correspond au moment où, dans le monde d'Apu, tout à fait au début du monde d'Apu, dans Apu le troisième, Apu, sur son balcon, s'offre lui aussi à la pluie. Kind of remembrance. It is definitely a remembrance. Oui, c'est because tout à fait it is the un rappel. Village boys and the village girls who are more familiar. It's village boys and village girls who are more in the habit of getting drenched in the rain, dancing in the rain, accepting the rain. Les enfants du village ont beaucoup plus l'habitude que les autres de danser dans la pluie, d'accepter la pluie, d'aimer la pluie. So, although in Upper Sansara, Apu is a city boy, his memories of childhood are still very strong. Dans le monde d'Apu, Apu est devenu un garçon de la ville, mais il reste encore très fortement un garçon de la campagne. Il a encore une force de vie. Et ça, c'est un lien, bien sûr. Alors, ce qui est étonnant dans vos films en général et dans la trilogie en particulier, mais dans tous vos films, c'est que bon, le côté sacré de l'eau et le côté absolument naturel et quotidien de l'eau sont complètement reliés. Yes, I get it. Yes, okay. Not always very consciously, but maybe subconsciously, yes. Ce n'est pas très conscient forcément, mais inconsciemment sans doute, oui. Bien, alors, Pierre, on voit bien à travers ce que nous a dit Satyajit Ray à quel point Pater Panchali l'a habité, un film qui vous habite, surtout un premier film vous habite toujours. Hein, quand on regarde les œuvres des jeunes réalisateurs des années 50, 60, et quand il s'agit d'un premier film, on voit à quel point, sur l'écran c'est très très très visible. Quand on regarde les Rideaux cramoisis, ou bien Prima de la Révolution, ou bien À bout de souffle, on voit à quel point c'est un premier film. C'est-à-dire qu'il y a une énergie et une concentration spirituelle qui fait que, probablement, le film passe d'autant plus fort, qu'il s'adresse à nous d'une manière beaucoup plus nette. Alors, c'est D'autant qu'il est porté pendant 2 ans. Et ce qui fait les plus grands premiers films, c'est ceux où il y a plus de tension que d'intention. Voilà, c'est ça. Et aussi peut-être de contraintes, d'une certaine façon. Parce que, comme tu es par ailleurs ingénieur du son, Pierre, je voudrais que tu lises le passage de où Satyajit Ray indique que les contraintes ont peut-être aussi joué en faveur du film. Alors, il y a le passage sur le son qui est tout à fait étonnant. Je lis un peu plus haut parce qu'il parle un petit peu de ce que représente l'idéalisme d'un réalisateur et les contraintes du tournage. Il parle de la découverte de chaque instant quand on tourne un film. Chaque moment apportait quelques découvertes nouvelles et loin d'engendrer le mépris, la familiarité faisait naître l'amour, la compréhension, la tolérance. Les problèmes techniques passaient à l'arrière-plan et l'on en arrivait à minimiser l'importance de la caméra. Après tout, se disait-on, il ne s'agit en fait que d'un instrument enregistreur. La seule chose importante est la vérité. Allez à elle et voilà créer votre grand chef-d'œuvre humaniste. Mais comme vous vous trompez, vous êtes à peine en place que le pied de la caméra occupe tout votre temps, que les problèmes surviennent à toute allure. Où placer la caméra, en haut ou en bas, près ou loin, sur le chariot ou sur le sol? Est-ce qu'un 35 c'est bien ou vaudrait-il mieux un 50? Il s'agit des objectifs là. C'est ça, 35 mm à 50 mm, c'est la distance focale. Si on reste trop près de l'action, voilà que ça déborde d'émotions. Mais si l'on s'en éloigne trop, tout devient froid et distant. À chaque problème, il faut trouver une réponse rapide. Si on hésite, le soleil change de place et l'on a perdu la lumière. Le son est également un problème. Vous avez réduit le dialogue au minimum, mais vous voulez le couper encore. Ces 3 mots sont-ils vraiment nécessaires ou bien un geste éloquent peut-il les remplacer? Les critiques parleront évidemment d'un désir louable de redécouvrir les principes fondamentaux du cinéma muet, mais au tréfonds de vous-même, vous savez bien que si cela est exact, il est également vrai que vous êtes désireux de réduire au maximum les frais de la sonorisation ainsi que l'ennui du doublage. Oui, alors c'est là il y a une ironie de la part de Satyajit Ray. Extrême ironie, moi, oui. Qui a été probablement entretenue pendant des années par mille et un critiques ou théoriciens du cinéma, tout à fait bienveillants d'ailleurs à son égard. On le voit bien quand on parle avec lui à quel point il est tout près parfois d'un sourire très très mordant. C'est dans ce livre, je ne sais plus à quel endroit exactement, qu'il raconte comment on avait érigé en principe le fait d'avoir utilisé des acteurs non professionnels, par exemple. Et il s'est, au bout du compte, il avait dit oui d'accord, les enfants sont réellement des acteurs non professionnels, mais la vieille dame, celle qui paraît d'ailleurs d'une certaine façon la plus vraie. Là, la très vieille dame qui meurt dans le film est une comédienne chevronnée ou combien qui a dû passer le plus clair de sa vie à travailler comme actrice. Quant à celle qui joue la mère n'est pas du tout une paysanne bengali choisie parce que elle est en réalité, je crois que c'est une institutrice. Il dit qu'elle avait une licence de lettres. Voilà, c'est ça, ou une prof de lettres. Donc et les enfants étaient pensionnaires dans un collège de Calcutta. Oui, donc c'était pas des enfants du village du tout. Oui, donc l'authenticité et le documentarisme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est absolument non systématique. C'est-à-dire que raccorder Pater Panchali au néo-réalisme italien et de dire voilà, c'est une branche réaliste et sociale, non, il s'agit avec Satyajit Ray de quelque chose qui est neuf à chaque instant. Il s'agit d'un cinéaste qui réfléchit film par film, scène par scène et détail par détail, comme il nous l'a si bien dit en parlant de Tagore. Et sur cette question du son, précisément, là, il est d'autant plus ironique que c'est un très grand cinéaste du son, Satyajit Ray. C'est-à-dire que le monde sonore existe dans ses films avec une complétude étonnante. Il y a toujours quelque chose à entendre dans ses films. Alors, est-ce que tu peux prendre l'exemple? Parce que là, je voudrais que tu prennes l'exemple du moment où, dans Pater Panchali, où le père apprend la mort de Durga. C'est le père revient de la ville après 5 mois d'absence, les bras chargés de cadeaux pour sa femme et ses 2 enfants qu'il n'a pas vu depuis très très longtemps et qui avaient des problèmes considérables dans son absence. Le père revient, il arrive à la maison qui est fermée et il entend un pleur. Il entend, c'est sa femme qui est en train de pleurer. C'est-à-dire que la nouvelle de la mort de sa fille lui est annoncée d'abord un simple pleur, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien à l'image avant ça, il entend quelque chose, et au moment où il rentre dans la maison, il y a ce déchirement qui est souligné par le bruit du train qui est dans le lointain. C'est-à-dire que il y a une construction sonore absolument, qui fait musique, frissonner. Et puis la musique de Ravi Shankar. Il y a un moment, on ne peut plus parler. Il y a un moment où le son humain est complètement est repris complètement en compte, vraiment en récit. C'est la musique qui, à ce moment-là, raconte ce que la voix humaine ne peut plus dire, ce qui est sublime. Et véritablement, c'est une construction sonore qui fait frissonner. Absolument. C'est une des choses les plus fortes de Ray, c'est qu'on est toujours au ras de l'émotion. De ce point de vue-là, il n'a peur de rien. Son problème, c'est de contrôler. Il sait qu'un gros plan risque de nous bouleverser. Il sait que s'écarter trop, ça risque de devenir froid. Mais bon, la question est de trouver la bonne place, la place qui n'est pas forcément la place moyenne, puisque pour chaque moment, pour chaque scène du film, il trouve. Bon, c'est là que l'inexplicable intervient. C'est que comment ce premier film a-t-il été inspiré à ce point, et comment surtout a-t-il trouvé aussi bien, alors dans le monde entier, puisque alors que le tournage avait pris 2 ans et que le montage avait dû prendre des mois, soudain, quand le film est terminé, ça va à toute vitesse, parce qu'il faut que le film soit présenté je ne sais où dans un festival, je crois à Cannes. Il était présenté à Cannes en 56. C'est ça. Mais alors là, il n'a même pas le temps de voir son film lui-même, c'est-à-dire de le voir terminé, puisque il travaille plusieurs jours et plusieurs nuits, on lui arrache le film des mains, il le mixe et le laboratoire le prend en charge, les bobine file vers l'Europe et un cinéaste est né. Ceux qui voient Pater Panchali en Europe d'emblée souscrivent à l'évidence et Satyajit Ray, du jour au lendemain, devient un cinéaste célèbre mondialement. Ce qui le met en position forte vis-à-vis des producteurs bengalis qui n'en reviennent pas, mais aussi par rapport au public bengali qui fait un grand succès populaire à Pater Panchali, ce qu'on oublie souvent. C'est-à-dire que le succès du roman feuilleton dont le film est tiré... Il faut rappeler le nom de l'écrivain, parce que même s'il est complètement inconnu ici, ouais. Il est quand même important. Il s'appelle Bibhutibhushan Banerjee. Voilà. Alors, il avait écrit donc un roman qui avait eu énormément de succès durant les années 30. Et je suppose à l'époque où Satyajit Ray était enfant lui-même et puis adolescent. Donc, le succès du film confirme celui du roman. Et je suppose que Satyajit Ray peut entreprendre beaucoup plus tranquillement le tournage du deuxième, c'est-à-dire de Aparajito. Aparajito qui s'appelait aussi en français l'Invaincu. Alors, pour Aparajito, il se trouve que Satyajit Ray, qui avait lu le journal de La Belle et la Bête de Cocteau, qui en fait mention dans sa préface, a éprouvé le besoin de faire la même chose. C'est-à-dire qu'il a éprouvé le besoin et ça lui correspond très bien. De tenter de faire le journal d'un film, et puis très rapidement il a dû arrêter d'écrire. Mais enfin, les premières pages publiées donc dans son livre, les écrits sur le cinéma de Satyajit Ray, sont très étonnants. Alors, avec toujours sa précision habituelle, on sait que nous sommes à Bénarès le 1er mars 56 à 5 heures du matin, que Satyajit Ray s'est levé très tôt pour aller explorer les ghats, qui sont ces longs degrés de pierre construits sur la rive du Gange pour faciliter l'accès aux eaux sacrées. Voilà ce qu'il écrit. Il s'en faut d'une demi-heure que le soleil ne soit levé, et cependant il y a plus de lumière que je ne l'aurais imaginé, et plus de mouvement. Les premiers baigneurs arrivent vers 4 heures, me dit-on. Les pigeons ne sont pas encore réveillés, mais les gymnastes le sont. Atmosphère incomparable, on ne souhaite rien d'autre que de l'absorber, d'être purifié et fortifié par elle. L'idée d'avoir à travailler me donne du souci. Alors, ça me paraît très très important. L'idée d'absorber, c'est tout son cinéma. C'est tout son cinéma. C'est-à-dire, de la même façon que le personnage du salon de musique se laissait littéralement absorber. Enfin, il absorbait cette musique. Et il se laissait absorber par son image. C'est ça, oui, et par elle. Il se laissait absorber par cette musique. Et je crois qu'il y a une sorte de... En fait, c'est justement dans cette réciprocité de l'absorption que Renoir a parfaitement senti à partir du fleuve, parce que ça devient, dans la philosophie de Renoir, absolument, absolument fondamentale, cette idée de l'absorption. Et alors, qui va avec la purification et la force. Satyajit Ray parle très peu, enfin, il se conduit beaucoup plus comme un occidental, donc il y a très très peu de spiritualité dans ses propos. On a bien vu tout à l'heure, quand on l'interrogeait, que je lui parlais du rapport du naturel et du sacré, et de leur équilibre tout à fait naturel dans ses films, il avait répondu oui, je le fais pas exprès, mais il a une réserve à cet égard. Oui, il accepte complètement les interprétations, tout ce qu'on peut dire, mais lui-même se livre à rien de cet ordre. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, là, ça lui échappe, hein. On ne souhaite rien d'autre que de l'absorber, d'être purifié et fortifié par elle. En réalité, il s'agit de notre réaction de spectateur devant les plus beaux films, les plus belles scènes de Satyajit Ray, dont les scènes sur ces degrés de Bénarès qui sont étonnantes et qui, là encore, sont le résultat d'un travail, puisqu'il a repéré très exactement tous les angles de la lumière, toutes les heures et tous les bains de lumière du décor, de manière à obtenir cette densité de gris qui est celle des premières scènes de Apparajito. Et je crois qu'il y a un autre moment qui t'intéresse, toi, qui est dans ce moment de tournage. Oui, c'est le 20 mars, il y a deux petits paragraphes. C'est extrêmement elliptique comme écriture, c'est très beau, j'aime beaucoup ça. Filmer la scène où Ariar, c'est le père de l'enfant, où Ariar s'écroule sur les marches du Shoshatigat. Très bon travail. Un vent violent agitait la surface du fleuve et rendait la scène plus vivante encore. Kanubabu tomba avec beaucoup de réalisme, mais se fit une mauvaise coupure au genou. Un cadavre tuméfié descend le fleuve et passe non loin du rivage et de la caméra. Les baigneurs n'y font pas attention, probablement un spectacle courant. Alors, ce qui est formidable, c'est comment on saisit la vie, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait du vent et que l'eau bouge, tout de suite, il se passe quelque chose qui vibre dans la scène, évidemment, et comment on saisit la vie par les détails aussi. C'est-à-dire que la façon dont Kanubabu tombe, il se trouve qu'il tombe tellement bien qu'il se blesse, ce que sûrement a beaucoup dérangé Ray, qui est très sensible au respect qu'il a pour les humains, en particulier pour les acteurs. Mais ce qui est important, c'est justement que le geste même soit juste. Et finalement, tout le cinéma de Ray est là, dans cette façon d'arriver à une globalité par les détails. Ray dit aussi qu'une phrase importante de sa vie est la phrase que Tagore a écrite dans son cahier d'autographe, à lui, Satyajit Ray. Oui, quand il était petit. Quand il avait 8 ans, il est allé voir Tagore, et Tagore a écrit une phrase dans son cahier qui dit « Le monde entier est contenu dans une goutte de rosée ». C'est une traduction approximative, je suppose, de la phrase. Et Ray dit que finalement, son cinéma est fait à partir de cette phrase. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est l'extrême attention au monde, à la goutte de rosée, qui est aussi importante qu'une guerre mondiale, et comment, à partir du détail, on voit tout, parce qu'il est aussi bien clair que dans une goutte de rosée, tout se reflète en même temps. Bien, alors, pour en revenir à Parajito, et donc à l'histoire de la trilogie, succès de Pater Panchali, possibilité donc pour Satyajit Ray de réaliser Apparajito comme il l'entend, mais cette fois, semble-t-il, et il le dit d'ailleurs assez nettement dans son livre, il s'écarte assez considérablement du feuilleton initial pour faire quelque chose de beaucoup plus personnel. Et il y a un accent dans Apparajito infiniment plus personnel qui tranche sur l'universalité évidente de Pater Panchali. Et il me semble, moi, on lui avait posé la question et sa réponse avait été très réservée, très pudique. Il me semble, moi, qu'il y a dans Apparajito, dire dans la relation d'un garçon et de sa mère veuve, quelque chose que Satyajit Ray a dû vivre lui-même. Et d'ailleurs, il en avait convenu. J'étais fils unique et mon père est mort jeune. De ce fait, bien sûr. Et aussitôt, la réserve portait, oui, mais moi je ne suis pas un enfant de la campagne, moi je suis un enfant de la ville, etc. etc. Bah, tout de même, cette histoire d'amour entre un garçon et sa mère, et surtout quand elle se déroule dans cette campagne lointaine, et pendant les études du gosse, et il y a un moment tout à fait prodigieux dans Apparajito, qui est le moment où le gosse apparaît en indien, parce qu'il vient de découvrir... Apparaît en nègre. Oui, en nègre, oui, c'est ça. Et parce qu'ils viennent découvrir soudain à l'école... L'Afrique, c'est ça. Donc, il y a dans la présence, simplement dans le cadre de l'image de ce garçon et de cette femme, quelque chose d'une force inoubliable. Oui, moi je voudrais juste citer deux moments que je trouve parmi les plus bouleversants du film. C'est le moment où ce jeune garçon qui a une dizaine d'années et qui fait vivre sa mère parce qu'il est apprenti prêtre, et donc il est payé un petit peu pour ça, dit à sa mère qu'en fait il aimerait aller à l'école, mais pour aller à l'école il faut payer justement. Et le moment où sa mère accepte qu'il arrête de l'entretenir et que justement elle se sacrifie elle totalement pour son fils qui n'en a pas conscience à ce moment-là, est un moment qui me serre la gorge véritablement. Oui, alors il y a ce moment du train où il rate le train. Et le moment où il rate le train, évidemment. Ouais. Ça, c'est un... Je ne sais pas s'il faut le raconter en détail, mais c'est la... Non, alors, non, ceci dit, il faut... La mère qui veut absolument garder son fils et qui le laisse partir. Mais il semble bien, non, tout de même, le train, l'insistance sur le train, aussi bien dans Pater Panchali que dans le monde d'Apu, que dans... Parajito, le train est vraiment l'unité, enfin, d'une certaine façon, de la trilogie, puisque c'est un train qui passe son temps à réunir la ville et la campagne, et qui passe son temps à séparer les personnages les uns des autres. Ah, c'est quelque chose d'absolument essentiel, c'est quelque chose qui rythme l'ensemble de la trilogie. Alors là, je voudrais lire des extraits d'une interview qu'Henri Michello a recueillie auprès de Satyajit Ray, et qui est très très passionnante. Ray répond aux questions de Michello. Je pense que la structure de la trilogie trouve son origine dans la tournure ordonnée de mon esprit, lequel a été nourri par de longues années de familiarité avec la musique classique occidentale et le cinéma hollywoodien des années 30 et 40. Je pense que L'Invaincu, à Parajito, a une structure comparativement plus relâchée que les deux autres films, en particulier parce qu'un épisode entier et un personnage important ont dû être abandonnés pour des raisons indépendantes de ma volonté. Le personnage était celui de Leela, la petite amie d'Apu à Calcutta, qui représentait pour lui le détachement par rapport au village de sa mère. L'actrice qui avait été choisie pour le rôle s'est mariée subitement, et je n'ai pu trouver personne pour la remplacer. Personnellement, je n'étais pas très satisfait de cet épisode, et je ne l'avais retenu dans le scénario que parce que la relation entre Apu et Leela était extrêmement populaire parmi les lecteurs du roman. Sans la jeune fille, le film a pris une austérité que j'aime bien, mais la lacune dans le scénario n'a pas été remplie de façon satisfaisante. Ce qui réunit vraiment les trois films est le motif du train. L'épisode du train dans Pater Panchali vient directement du roman, mais la poursuite du motif est de mon cru, avec ce point culminant dans l'ironie quand Apu décide de se jeter sous un train. Ça, c'est dans Le Monde d'Apu. Des trois films, Le Monde d'Apu est celui qui jouit de la plus grande liberté de structure. Il est important de se souvenir que les trois films devaient constituer chacun un tout et en même temps atteindre à une unité d'ensemble lorsqu'ils sont vus l'un après l'autre. Oui, alors c'est le moment idéal pour passer à notre deuxième extrait de notre interview de Satyajit Ray, réalisé il y a quelques semaines pour Le Cinéma des Cinéastes. Il était question précisément du monde d'Apu et de la relation entre le mari et la femme. Dans le troisième film, on voit Apu accepter un mariage de hasard, et on le voit au bout du film accepter le plus terrible, c'est-à-dire accepter que sa femme soit morte alors qu'il avait fini par l'adorer. Cette idée de l'acceptation, est-ce que c'est une idée qui vous est personnelle ? Non. The fact that he agreed to marry under those circumstances is more out of a moral compulsion because he felt that this girl... was being condemned for life. He would be le fait qu'il accepte de se marier de cette façon-là, c'est plutôt une obligation morale, parce qu'il avait senti que cette fille serait condamnée pour la vie. And it might have turned out to be a very unfortunate marriage. Et ça aurait pu être un mariage très malheureux. But it didn't. And that is the interesting thing. Mais ce ne fut pas le cas, et c'est ça qui est intéressant. Because it turned out to be, until the moment of Aparna's death, it turned out to be a very happy marriage with love. Which grows after the marriage. Parce que c'est un mariage très intéressant où l'amour grandit après le mariage. Oui, mais alors ce qui est très étonnant, c'est que sur l'écran, vous arrivez à nous faire comprendre que c'est une histoire d'amour prodigieuse et avec très très très peu de choses, très très peu d'éléments. Je voudrais savoir comment vous êtes arrivé à nous faire comprendre le bonheur prodigieux d'Apu et de sa compagne. Well, you see, I knew in the circumstances that I couldn't go very far in showing intimacy. Je savais que dans ces circonstances que je ne pouvais pas montrer beaucoup sur l'intimité. Because in those days, 30 years or 25 years ago, it would be very difficult to go beyond a certain stage physically. Parce que à cette époque-là, il y a 25 ans, il était très difficile d'aller au-delà d'un certain point physiquement. So I accepted it as a challenge. I wanted to show intimacy without showing the conventional details of physical intimacy. Et j'ai pris ça comme un défi, montrer l'intimité sans les détails physiques de l'intimité. And that's why that hairpin, this little comic details of their being together. And I think it was Renoir when he saw it in Paris. He said, "You show love without intimacy, without showing a single kiss." which I found very interesting. Oui, c'est Renoir qui disait on peut montrer l'intimité sans montrer un seul baiser. Et moi, j'ai montré beaucoup de petits détails, mais je montre rien justement sur les corps. Just the fact that there was a new curtain, there was two pillows instead of one. Il y a un nouveau rideau, il y a deux oreillers au lieu d'un seul. Simplement des petits détails de la vie quotidienne. Well, you see that the her death had to be made very very poignant and very touching. So the intimacy had to be shown as strongly as possible. La mort devait être rendue très forte dramatiquement, donc il fallait que l'intimité soit aussi présente que possible. Pierre, il me semble que là, il faut parler de l'essentiel. L'essentiel, c'est tout de même ce qui se passe entre les personnages, aussi bien de Pater Panchali que Aparajito, que le monde d'Apu. On peut même dire que paradoxalement, et Satyajitré vient de nous en donner la démonstration, parce que ce qui est dit des relations entre Apu et sa jeune femme, qu'il a épousée d'ailleurs par hasard, parce que, bon, si on ne déflore pas le scénario, mais c'est clair que cette jeune femme devait se marier avec un jeune homme, et que ce jeune homme est devenu subitement fou le jour même du mariage, et que ça pouvait être extraordinairement grave pour la jeune femme qui, de ce fait, devenait, de par la coutume, maudite. Il fallait donc qu'elle trouve un époux dans la journée, et Apu se trouvait là, par hasard, et il a bien fallu qu'il l'épouse. Or, bon, on voit bien comment ça a intéressé Ray, de voir que cette contrainte est devenue une nécessité profonde de ces deux êtres. Enfin, c'est-à-dire que cet amour est devenu quelque chose de très, très, très, très fort. Mais de la même façon, on peut dire que Apu et Durga dans Pater Panchali, et Durga et sa grand-mère. Durga, c'est la sœur. Oui, c'est ça. De la même façon, les relations entre Apu et sa mère dans Aparajito, qui sont vraiment centrales et qui sont, disons, le centre de gravité de l'ensemble de la trilogie, et les relations entre Apu et sa jeune femme dans le monde d'Apu, sont des relations tout à fait prodigieuses pour nous aujourd'hui, dans la mesure où elles ne sont pas fondées sur un commerce, sur un échange, comme on dit, sur une communication. C'est tout le contraire de ce que nos contemporains appellent communiquer. Regarde les scènes entre Apu et sa mère, ils ne communiquent pas. Sinon à une très grande profondeur. La présence suffit. On a le sentiment qu'ils se nourrissent de la présence les uns des autres. Et c'est une remarque que Renoir avait fait en Inde et qui me paraît précieuse à tous égards. En Inde, il arrive de rencontrer des êtres humains qui s'aiment sans aucune raison. L'ami vient rendre visite à son ami. Il entrera discrètement dans la chambre où celui-ci repose. Il s'accroupira par terre et sans un mot regardera l'autre vivre quelques heures de sa vie. L'amitié indienne dépasse le désintéressement, elle est un besoin physique. Or, c'est bien ce qui se passe vraiment entre les personnages dans les trois films. Et c'est ce qui pour nous est extrêmement précieux parce que c'est d'une certaine façon ce que nous avons le plus perdu. Puisque nous avons tellement peur de l'ennui, ou tellement peur de la banalité, et tellement peur qu'il ne se passe rien, que nous en oublions l'essentiel, qui est la présence, simplement la présence, de quelqu'un qu'on aime. Oui, quand tu dis que ça ne se passe pas dans l'échange, ça me paraît fondamental, ça se passe dans le don. Et qu'au bout du compte, cette trilogie qui est l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de l'humanité, et l'apprentissage de devenir un homme. Et de la culture aussi, puisque... Je crois qu'il y a une universalité du film qui est absolument totale, je crois que chacun peut se retrouver complètement dans le film, depuis la naissance d'Apu jusqu'à on le laisse, il a une trentaine d'années, il est avec son fils. Et ce que Apu apprend, finalement, c'est à donner, puisque tout l'amour qu'il reçoit se passe toujours dans le don. L'amour de sa mère est un don absolu. Quand lui donne de l'amour, quand il épouse cette fille, il se donne à elle. parce qu'il n'y a pas, il y a pas d'échange. Il ne pense pas l'épouser parce qu'il aura un intérêt quelconque, même amoureux. Il l'épouse simplement parce qu'il faut qu'il se donne à ce moment-là. Mais il y a tout de même le moment où il ne s'est plus donné, c'est après la mort de sa femme. Après la mort d'Aparna, il n'arrive plus à donner quoi que ce soit. Il se referme complètement, il part, et il ne peut plus donner à celui qui, à ce moment-là, aurait tant besoin, qui est son fils à lui. Et il faut justement qu'il apprenne à donner à nouveau. Et la fin du film, qui est une sorte d'envolée d'un lyrisme extraordinaire, c'est quand il peut enfin à nouveau donner à tous, et à commencer par son fils. Oui, mais enfin, moi j'irais presque moins loin, parce que on voit clairement que c'est encore plus simple. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus scandaleux que la mort, parce qu'il n'y a rien de plus évident que la vie. Voilà. On voit bien à quel point la mort dans Pater Panchali, puisqu'il y a deux morts, celle d'une très très vieille femme et celle d'une très jeune enfant, et la mort du père dans Parajito est également un événement crucial à tous égards, puisque dramatiquement tout balance, l'existence de la famille balance à partir de ce moment-là, et la mort de la très jeune femme d'Apu dans le monde d'Apu. On voit très très bien comment cette série de scandales viennent briser simplement la paix, la simple évidente paix de la vie ensemble. Jusque dans sa cruauté. C'est-à-dire puisque la mère d'Apu dans Pater Panchali est un personnage complètement fermé, méchant, humilié par les voisins, en révolte permanente contre la vieille dame. Qui est une voleuse, enfin qui se sert de Durga pour, eh bien, bon, le plus mystérieux, c'est ce qui se passe entre Durga et la vieille. Bon, Durga apporte des fruits à la vieille, mais bon, on sent bien que c'est pas le fruit qui compte, que c'est l'extraordinaire curiosité de cet enfant. Qui d'ailleurs redouble celle du spectateur, parce que le spectateur devant cet être complètement édenté avec ce regard. Mais la mort de la vieille. Qui va mourir, puisque sa mort est inscrite sur son visage depuis la première, on se dit comment peut-elle vivre encore? Eh bien, est aussi scandaleuse d'une certaine façon que la mort de Durga elle-même. C'est bon, elle est évidemment pas filmée de la même façon, puisque la mort de la vieille semble aller de soi, une espèce de, elle est rendue au monde. Alors que Durga, la voix de sa mère et de son père... C'est un déchirement. C'est un déchirement total. Mais de ce point de vue-là, là encore, Satyajit Ray n'a rien d'un théoricien. Mais ce qui apparaît avec la dernière évidence, c'est la qualité prodigieuse des relations d'être à être dans cette trilogie. Qui est tellement simple qu'on n'en revient pas. Et d'ailleurs, c'est très étrange de voir. C'est une amorce de notre prochaine émission. C'est enfin le même hiver où nous revoyons la trilogie, le même été où cette trilogie repasse au cinéma, et cette saison où nous avons vu l'homme blessé, l'argent, Furio, la lune dans le caniveau, j'en passe et des meilleurs, où il semblerait que soit complètement oublié le simple et élémentaire plaisir, le simple et élémentaire bonheur de la présence d'un être ami ou d'un être aimé, ou simplement d'un être familier, c'est-à-dire d'un fils, d'une fille, d'une sœur, d'une mère, d'une fiancée. Et ça, il semblerait que de notre côté, ce soit complètement perdu. Alors, je crois qu'il faut rappeler que le premier film de la trilogie, Pater Panchali, La Complainte du Sentier, passe actuellement au 14 juillet Racine à Paris. Le deuxième film, Aparajito, l'invaincu, sort le 27 juillet. Et le 17 août, on pourra voir Le Monde d'Apu, Apu Sansara. Bon, alors, rappelons tout de même, puisque nous approchons de la fin, alors rappelons les films que nous vous conseillons de voir. Bien entendu, enfin, ce qui me concerne, la Palombière, l'argent de Robert Bresson, qui est quand même celui très probablement qui a le plus intéressé parmi les films de Cannes. D'ailleurs, c'est très étrange parce que Brache, qui n'avait rien vu, et depuis sa chambre de Paris où il regardait les émissions de télévision et de avait élu l'argent comme son film favori de Cannes, chose qui s'est avérée vérifier. Oui, moi j'ajouterais Furio quand même, qui est tout de même un film qui me touche beaucoup. Et je trouve que Oshima prouve une fois de plus qu'il est un très grand cinéaste. Rappelez les deux films dont on a parlé la semaine dernière, qui sont L'admirable Monsieur Ruggles, qui s'appelle maintenant L'extravagant Monsieur Ruggles, le film de Léo McCarré avec le grand Charles Laughton, Ninotchka de Lubitsch avec Greta Garbo. Et dans les films sortis récemment, une reprise qui est la version de 4 heures, je crois, maintenant, du Ludwig de Visconti, qui est un film qui était magnifique quand il faisait 3 heures et qui est encore plus beau quand il en fait 4. Et un film que moi, personnellement, j'aime beaucoup, qui risque peut-être de passer un petit peu inaperçu, qui est La mémoire de Youssef Chahine. Youssef Chahine, on le sait, est le plus grand cinéaste égyptien, tout simplement. On a vu de lui pas mal de films, Le Moineau, La Terre, Alexandrie, pourquoi. Celui-ci est son film le plus personnel. Il continue son autobiographie qu'il avait commencé dans Alexandrie, pourquoi. Et il parle de lui, cinéaste aujourd'hui, en faisant ce que moi j'ai jamais vu faire au cinéma, il refilme des scènes qu'il a filmées il y a 20 ou 30 ans. C'est un film complètement stupéfiant. C'était Le cinéma des cinéastes, la trilogie d'Apou de Satyajit Ray, par Claude-Jean Philippe, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 juillet 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.